sur Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. En plein massage des pieds. C'est un super prix. Oh, ça chatouille. Pendant un gommage. C'est un super prix. Ou même en vous faisant épiler. C'est vraiment un super prix. Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Algérie, les ineffables mémoires, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Somani Na. Au départ de cette série, il y a des histoires familiales enracinées, une vie qui disparaît et un monde englouti qui a obligé des milliers de personnes à quitter leur foyer pour en réinventer un ailleurs. Alors pour commencer, les personnages. Un historien qui n'en était pas encore un, une femme qui voulait rester, un écrivain qui était enfant, un homme qui avait dû faire un choix et une autre qui a tout oublié. Ensuite, le décor. Des souvenirs, des villes, des départs, de la nostalgie, ou pas. Des nouveaux départs, des arrivées, des bateaux, des traversées, des cours d'école et des bidonvilles. Aujourd'hui, 3e épisode, on a ressorti les photos. Là, c'est une photo que j'ai mise sur le livre qui raconte mon histoire avec les archives, le texte des archives que j'ai trouvé. Eliette Paris. Et donc, c'est une photo de la ferme. Donc, vous voyez, sont assis sur un banc. Mon père qui est au milieu, son frère et deux ouvriers arabes, côte à côte. Et mon père joue avec un chien, tout le monde rit du chien, voilà. Et ces ouvriers arabes ne sont pas habillés comme mon père, ils ont un chèche, une gandoura, voilà. Et puis derrière, c'est donc dans la cour de la ferme, et derrière on voit les orangers et les arbres que ma famille a plantés. Voilà, je trouve que ça résume bien l'histoire de ma famille. Algérie, les ineffables mémoires, celle des déplacés et des rapatriés. Alain Lefkovitch, Somani Na. Alors ce livre, ça raconte justement l'histoire des gens qui sont arrivés à Bosquet et comment Bosquet a été construit. Marie-France Fouché. Je suis née à Bosquet, j'avais beaucoup de familles, puisque ça faisait déjà depuis 1870 que ma famille avait commencé à habiter en Algérie. C'était deux frères maçons qui venaient de Essengen, qui était normalement en Alsace, mais avec la guerre de 1870, c'était devenu allemand. Donc ils n'étaient pas français, ils étaient allemands. Et pendant 3 ans, ils ont été allemands, en Algérie. Car dans le sillage du général de Bourmont, du duc d'Aumale ou du maréchal Bugeaud, paladin de la conquête algérienne dès 1830, ce sont bel et bien des Français devenus Allemands, et des Allemands tout court, mais également des Corses, des Suisses, des Maltais, des Italiens et des Espagnols qui s'installèrent. Riches ou pauvres, ils bouleversaient une histoire, un destin, celui des musulmans et des juifs, présents parfois depuis près de 2000 ans. Moi, je suis né d'une famille juive à Constantine, la famille Stora. Benjamin Stora. Celle de mon père, donc par conséquent, c'est une famille juive très ancienne berbère qui, dont l'arrière-grand-grand-père de mon arrière-grand-père, était le président du consistoire israélite de toute l'Algérie, Israël Stora. Donc c'est une très grande famille. Mon père est né dans les Aurès, il est né à Quinchla, dans les Aurès. Comme mon grand-père, d'ailleurs, qui sont de Quinchla. Ils étaient très connus, puisque le frère de mon grand-père a fini par être adjoint au maire de la ville et grand ami de Ferhat Abbas. Savoir qu'à l'époque, notamment dans les Aurès ou ailleurs, il y avait une très grande, pas fraternité, mais passage, circulation, etc., notamment entre les Juifs et les musulmans, parce qu'ils appartenaient au monde indigène, ils parlaient l'en arabe, surtout dans les Aurès, évidemment, même en Chaoui, et donc ils étaient très proches les uns des autres, même si, bien sûr, il y avait cette opposition juridique, puisque les uns étaient français et les autres ne l'étaient pas, mais ils vivaient dans le même univers. Et puis, il y a la branche de ma mère. On pourrait presque dire que c'est presque un couple mixte. S'ils sont des juifs aussi de Constantine, mais eux, ils sont des juifs berbérisés, arabisés. c'est-à-dire la famille Zawi. Zawi, déjà, c'est un mot arabe qui vient de Zawiya, et qui, c'était des grands bijoutiers, des plus grandes familles de bijoutiers juifs de Constantine. Et donc, ils se sont mariés. Voilà, donc c'est une famille, en fait, de juifs berbères, fondamentalement, hein, qui existe sur la terre algérienne au minimum depuis 2000 ans. Surtout les frontons des mairies de toute l'Algérie avaient créé Liberté, Égalité, Fraternité. C'était des départements français. Du fait de naître sur un département français permet d'avoir la citoyenneté française. Sauf pour l'Algérie, sauf pour les Français musulmans. Ils étaient français, mais avec pas les mêmes droits que des Français à part entière. Voilà. Il y avait un racisme ambiant. Mon père, à la fois qui admirait leur force de caractère, disait que c'était une race inférieure, une religion inférieure quand même. C'est-à-dire qu'il avait tous les clichés quand même. Et il pouvait dire les bougnoules ou un truc comme ça. Voilà. Quand j'étais enfant, j'entendais, et ça c'était une chose qui m'étonnait, ils disaient, on n'a volé les terres à personne. Nous n'avons pas pris ces terres, et de toute façon, il n'y avait personne à cet endroit. Et moi, dans ma logique d'enfant, il y avait quelque chose qui ne collait pas. S'il n'y avait personne, d'où venait Radouja, Saïd, Aïcha, qui étaient là avec nous. C'était un peu un mystère pour moi. Donc il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et en fait, c'était la justification de la prise de l'Algérie, c'est une raison économique. C'était, on s'emparait d'une terre à blé et à huile d'olive, etc., comme ont fait les Romains, les Carthaginois, etc. On s'emparait et des terres qui étaient considérées comme très riches. Mais il fallait un justificatif à cette, je dirais, ce vol, en quelque sorte, de la richesse des autres. Et donc, la théorie, c'était une idéologie, la France des Lumières, qui apportait la civilisation à la barbarie et à une religion inférieure. Tout ça, ça vivait très très bien. Marie-France Fouché. Bosquet, il n'y avait pas, enfin un petit peu, mais pas beaucoup d'Arabes qui vivaient dans le village de Bosquet. Eux, ils avaient leur douar et leur façon de vivre. Et nous, on avait d'autres façons de vivre. Alors, ma famille de Bosquet, c'était des gens viticulteurs qui avaient des vignes et des fermes. La maison était à Bosquet et c'est ma grand-mère qui gérait les fermes et les vignes avec son fils quand même, avec mon oncle. Voilà, et donc on vivait simplement, mais on avait tout. Et surtout, on avait tout le monde autour. Tous les soirs, c'était la chaise sortie sur le trottoir pour les dames plus âgées, ou les messieurs plus âgés. Les gens passaient dans la rue principale, s'arrêtaient pour discuter avec les uns avec les autres. Quant aux jeunes, les filles devant, les garçons derrière, les garçons et les filles ne se mélangeaient pas. Ne se parlait pas. Et c'était surveillé. C'est toute une vie. Nous, les enfants, nous étions tout le temps dans la rue. On vivait dans la rue et toutes les communautés étaient mélangées. Nicole François. Mes amies algériennes, c'était des amies berbères d'ailleurs, s'appelaient, je m'en rappelle encore, Choumicha, Radia, Malika, enfin voilà, il y en avait trois. Et elles habitaient une belle maison en face. Après, j'avais une amie juive qui habitait juste au-dessus de chez nous. Il y avait Josette qui était espagnole. Enfin, toutes ces communautés cohabitaient ensemble dans la paix. Hein. Quand je suis arrivée à Birmandres, eh bien, c'était plus du tout la même ambiance. La rue n'appartenait plus aux enfants. Ça, c'était la première chose que j'avais constatée. Et puis, deuxième chose, La rue appartenait aux blindés. Il y avait des passages comme ça de blindés qui faisaient trembler la maison. Au-dessus du jardin, ben, on voyait passer de gros hélicoptères très chargés. Et il y avait aussi de gros avions lourdement chargés qui passaient. Et moi, je ne savais pas trop ce qui se passait. Hein. Je n'avais pas la connaissance à cette époque-là. Mais c'est sûr, j'avais l'intuition qu'il se passait des choses graves. Entrée d'Algérie, la grève totale a commencé depuis environ déjà un quart d'heure. Les rues sont désertes, les magasins sont fermés à 100%. À la même heure dans toutes les villes d'Algérie, les rues, les magasins offrent le même spectacle. Entrée d'Algérie, tout à l'heure, nous nous retrouverons tous au plateau des Glières. Par milliers pour manifester contre toute politique d'abandon et contre tout ministre résident ne représentant pas à Alger un gouvernement de sa République seul capable de sauver. Le général Massu, 1958. J'ai été réquisitionné par l'armée française. Messaoud Guerfi. Pour réouvrir l'école du village qui avait été détruite par le FLN. FLN, Front de Libération Nationale. Pourquoi ne pas avoir choisi l'autre côté, celui du FLN à ce moment-là? C'est parce que justement, il y avait une présence française trop importante ou vous étiez français tout simplement? Non, sans plus, mais à l'époque, je n'avais pas du tout mes parents. Déjà, toute la famille n'était ni... Ils payaient leurs dîmes au FLN, ils payaient leurs impôts à la France. Je dirais, à la limite, il n'y avait pas de parti pris ni d'un côté ni de l'autre. 58 arrive, le fameux général qui crie « la paix des braves », et là... Je me rappelle cette phrase de mon père qui, ancien combattant, dit « De Gaulle est arrivé, on va avoir la paix, tu verras, on va être tranquille ». Mais octobre 58, j'ai reçu mon appel pour aller faire mon service militaire et il fallait que je rentre en métropole pour faire mes classes. Et à l'époque, le dernier de mes frères avait 2 ans et demi. Et je ne voulais pas partir, parce que mes frères étaient tout gamins, de ne pas laisser ma mère toute seule. Et un officier du coin avec qui je travaillais pour l'école me dit « Écoute, on va faire un truc. Tu prends un engagement de harki, tu fais le même travail, tu ne bouges pas de ton travail, mais ça t'évitera d'aller faire tes classes en métropole. » Évidemment, j'ai pris un engagement harki. Mais ça veut dire quoi, harki ? Harki, c'est un supplétif de l'armée française. Le premier tué en novembre 1954, c'était un instituteur qui venait de débarquer de France, qui avait rien à voir avec la colonisation, avec cette histoire. Et donc, c'était plutôt perçu comme... un incident mineur de quelques excités, de quelques fanatiques. Voilà. Ça faisait partie des représentations, le monde arabe, un peu fanatique. Ici, ça continue. On voit le monde musulman à travers les quelques excités qui commettent des attentats horribles. Ça reste dans l'imaginaire. Et les discours politiques officiels de Paris, c'est que l'Algérie est française et on ne peut pas accepter que quelques excités se mettent à assassiner comme ça les gens et que tout de suite l'armée française allait mettre bon ordre. Quand il y a eu le 1er novembre 1954, mes parents étaient même pas au courant de ce qui se passait, quoi. Je veux dire, bon, ils disaient, bien, mais qu'est-ce qui se passe? Dans les journaux, tiens, il y a des rebelles, pour reprendre les expressions de l'époque. Bon, pour eux, ils étaient en Algérie française, c'était la France, hein, des provinces françaises, hein. Donc ils voyaient pas trop, je veux dire, le truc. Non, ça a démarré vraiment pour eux le 20 août, quoi, 1955. lorsqu'il y a eu le soulèvement dans le Constantinois, précisément des paysans. Hein. Alors là, oui, là, ils ont dit, là, ça chauffe, là, ça commence à devenir problématique, une répression terrible contre les musulmans. Enfin, la ville de Constantine a été entièrement quadrillée. Là, on rentre dans une autre étape. Et là, il y a l'armée qui commence à apparaître, mais c'est sous la forme d'abord des appelés du contingent qu'on voit dans les rues patrouiller, des gamins, avec des uniformes trop grands pour eux, etc. Enfin bon, c'est des gamins de 20 ans. Et puis alors en 57, non, là, il y a la bataille d'Alger, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Là, on voit apparaître non plus les appelés, mais les parachutistes. Moi, ce que je vous raconte, c'est ce que j'ai vu hein, de mes yeux. C'est pas simplement des trucs d'archives, je sais pas quoi. Bon, c'est ce que j'ai vu comme témoin. Alors là, c'est. Et là, on passe de l'appelé au parachutiste. C'est-à-dire l'appelé de gamins de 20 ans. Et là, on voit arriver les mecs en tenue de combat, là, qui sortent des camions sautants, les espèces de mecs hyper musclés. Ce qu'on voit d'ailleurs dans toute cette imagerie, entretenue d'ailleurs hein, par les médias comme Paris Match de l'époque et tout ça, avec la tenue de parachutiste qui est valorisée, c'était vraiment des espèces de surhommes, entre guillemets, quoi, je veux dire, qui arrivaient dans la ville, quoi. Donc c'était une nouveauté. Pour aller au lycée, là j'étais en sixième, il fallait que je traverse toute la rue Michelet. Et c'est là que se passait tout. Enfin, c'est là qu'il y avait les attentats, c'est là qu'il y avait les manifestations, c'est là, voilà. Donc ça a été, de la sixième à la quatrième, ça a été émaillé de tas d'événements un petit peu dramatiques. Et donc, la dernière année, ça a été la pire puisque on était en 62 et j'allais très rarement au lycée à cette époque-là parce que il y avait toujours c'est vrai que j'ai échappé à des attentats de justesse, c'est vrai que j'ai vu aussi des choses assez terribles dans le tunnel des facultés parce qu'il y avait l'OAS qui s'était mis à descendre tous les gens de l'administration, enfin tout au moins les facteurs, je ne sais pas pourquoi. Et bon, il y avait les cadavres, disons, sur mon chemin. D'importantes mesures de sécurité ont été arrêtées par M. Jean Nora. Le délégué général les considère comme indispensables afin d'éviter l'affrontement des communautés que risquent d'engendrer les deux terroristes. Un matin de très bonne heure, on entend des pas martelés comme ça dans l'escalier et on tape chez moi, donc chez mes parents, très très fort. Et mon père, il va ouvrir. Et là, ce sont des soldats qui viennent dire à mon père « Vous devez rejoindre tout de suite votre régiment à Soissons. Vous avez 24 heures. » Mon père il est devenu blême, c'est pas possible. Donc il a dû partir tout de suite à Soissons. Il nous laissait à Oran. Et ma mère était affolée de qu'on soit tous à Oran comme ça, avec cette situation qui était de plus en plus dégradée. Alors, il y avait l'OAS sur certains immeubles. OAS, Organisation de l'Armée Secrète. Il y avait l'armée sur d'autres. Alors, tous les soirs, ça tirait. Et à un moment, j'ai eu une balle qui a traversé le balcon, traversé le mur, arrivé dans ma penderie et traversé ma penderie. Hein. Et j'aurais été sur le chemin, c'était pour moi, quoi. Puis ça a explosé tout le temps. Il y avait des plastiques tout le temps. Enfin, on devenait vraiment très très mal. Et un jour, ma mère dit à mon frère, écris ça là, ou je sais pas quoi. Et mon frère lui dit, passe-moi le pistolet. Et ma mère dit, tu parles de quoi? Et en fait, mon frère, il s'était déjà fait enrôler dans une histoire d'OAS, de je sais pas quoi. Non, mais c'était plus tenable, quoi. C'était devenu la guerre civile. C'était devenu n'importe quoi. Mon père s'est tout de suite aperçu que, en fait, c'était beaucoup plus grave que ça. Que l'Algérie, on allait la perdre. Et quand il disait, on va la perdre, l'Algérie, il disait, non, on perdra pas l'Algérie, nous, on va rester, non. Ben, ils ont dit la valise ou le cercueil. Ben, non, on restera. Jusqu'au dernier moment. Eliette Paris. On ne voulait pas partir, on voulait rester, de façon totalement irrationnelle. Il n'y avait aucune intelligence de la situation. Comment ça s'est passé? On a mis quelques affaires dans des valises et on est parti, vous êtes parti? Il y a eu une période de préparation psychologique à ce départ. Je sais que mon père a vidé le compte en banque. Il a pris tout l'argent qu'il y avait dessus. Voilà, des choses comme ça. Mais c'était la panique, en fait. « Mon père a beaucoup attendu, quoi. Il avait très peur de ce qu'il allait faire. Il était âgé. Bon, il dit 53 ans, c'est pas un gamin, quoi. Donc il avait quelques points de chute en France. Heureusement, il avait réussi à passer un diplôme de droit. Donc il pouvait espérer travailler dans un bureau. C'est ce qu'il a fait, d'ailleurs, dans une compagnie d'assurance. Mais il a pratiquement attendu. Il a attendu dans le sens où il a vu partir les autres. C'est un effet d'entraînement. C'est-à-dire que quand il a vu se vider les immeubles, enfin les gens qui partaient en faisant des, vous savez, ce qu'on appelait des cadres en bois, quoi. Et les gens partaient, alors on disait celui du deuxième est parti, celui du troisième, celui d'en face, celui du truc. Et là, par un espèce d'effet d'entraînement, au mois de mai 1962, mon père a dit à ma mère, cette fois-ci, on va se retrouver seul, il faut partir. Il a eu peur. Donc on est parti le 12 juin 62, mais seulement avec deux valises chacun. Donc il n'y en avait pas nos affaires, on a laissé tout là-bas à Constantine, toutes nos affaires. Et donc on est parti, mais comme il n'y en avait que deux valises par personne autorisée, à ce moment-là, tous pris les manteaux, quoi. Parce qu'on nous disait tous, attention, en France, il fait très froid. C'était vraiment la grande peur. C'était le froid français, quoi. C'était vraiment, il fallait faire attention. Donc tout le monde est parti avec des manteaux le 12 juin, ça je m'en souviens bien sûr, d'un aéroport militaire de Télérama. On a attendu toute la journée sur le tarmac. Moi j'étais avec mon manteau, avec une chaleur, alors là il y a une grosse chaleur, avec ma sœur. Et puis on a attendu là, quoi. On a attendu l'avion militaire, on a décollé vers 7h du soir. C'était l'exode, c'était un peuple en exode, on est parti en avion. Et donc il y avait de l'aéroport d'Alger qui s'appelait Maison Blanche. Et les gens allaient à l'aéroport. Alors, Air France avait mis un maximum d'avions pour faire les liaisons avec la France. Ils allaient à l'aéroport. Quelquefois, ils restaient deux jours dans l'aéroport, dormant sur leurs deux valises. Et ils prenaient l'avion où il y avait de la place. Ils avaient vu qu'il y avait des gamins qui traînaient comme ça dans l'aéroport tout seuls, qui faisaient un avion avec les enfants. Les vieilles personnes et les militaires du contingent. Enfin, s'il restait des places, il y avait les militaires du contingent. Et donc, on a pu prendre un avion. Et mes parents avaient donc vu cet avion partir. Alors, ils s'inquiétaient beaucoup. Ils tombent sur, finalement, quelqu'un de l'aéroport. Un pilote qui leur dit « Ah oui, vous les avez envoyés comme ça dans cet avion, ben, vous avez du courage. » Alors bon, ils étaient morts de peur. Et moi, je me sentais pas en danger. Quand on a atterri, tout le monde a applaudi. J'ai compris que là, les gens avaient eu tous peur de ce qui se passait. Et puis là, il y avait la Croix-Rouge qui attendait parce qu'on l'avait expliqué qu'il y avait des enfants qui étaient seuls. C'était où ? C'était à Marseille. On arrive à Marseille. Alors, rien, il n'y a pas aucun accueil à l'aéroport, ni quoi que ce soit aujourd'hui. Quand on voit les efforts qui sont faits pour les migrants qui traversent la Méditerranée, il y a quand même un système d'accueil. Pour nous, rien du tout. Voilà. Donc on se débrouille. Donc on prend un petit hôtel près de la gare Saint-Charles, je me souviens, bon marché. Et au bout de la deuxième nuit, je suis couverte de piqûres sur tout le corps. Et ma mère regarde le matelas, il était plein de punaises. Donc elle va voir la propriétaire de l'hôtel et elle dit « Écoutez, le lit est plein de punaises, changez-nous de chambre ou changez au moins le lit de ma fille ». Et elle lui répond, si vous n'êtes pas contente, vous rentrez en Algérie. Voilà. بسلامة القلب اللي كان يبغيك انا نكوي دعوت للجدود انا راهي مبنية جمعني تعدى انا راه تدي ايه روحي 27 janvier 2021. L'écrivain et réalisateur Mehdi Charef se confie au micro de Samia Messaoudi à Beurre FM. Quand le train démarre de Marnia et puis que je vois ma grand-mère s'éloigner sur le quai, il y a quelque chose qui se brise complètement, quoi, qui se casse complètement, puis on n'ose pas. Moi, je me souviens d'une chose, je me souviens même maintenant. Je vous assure, ça, le voyage dure 3 jours et demi. Je ne me souviens de rien. J'ai pas voulu, je voulais pas partir. Alors donc, je me suis dit, tu fermes les yeux. Et je fermais mes yeux de Marnia à Port-Vendres. À Port-Vendres, à un moment, ma mère me tape sur les épaules, je rouvre les yeux et je suis dans une salle d'attente de la gare de Port-Vendres. Je regarde autour de moi, je comprends que je suis en France. Et elle me dit, va chercher un pain. Et elle me donne des sous, puis j'ai été à une boulangerie à côté, certainement. Mais je voulais pas quitter Marnia. Je savais que si je quittais Marnia, c'était pour toujours. J'en étais sûr. Je sais pas comment que ça se fait que j'en étais sûr. Puis le premier jour, on est arrivé à Nanterre, et puis que ma mère est rentrée dans cette baraque que mon père avait préparée. Il avait emprunté de l'argent pour acheter un petit bout de baraque, parce qu'on n'avait pas, nos papas n'avaient pas le droit de construire des baraques. Il fallait vivre là où c'était permis. Il fallait pas rajouter un pan, sinon les pompiers venaient avec la police, et je les ai vus. Ils venaient, ils la cassaient devant nous, devant tout le monde. Et je me rappelle toujours de ma mère, quoi. Quand elle est rentrée, elle avait les valises à la main, on suivait tous. Mon père avait honte, il s'est détourné, il a fait semblant de mettre du charbon dans le poêle, et puis ma mère regarde, et puis elle a compris que c'était ici. Elle lui a dit, elle m'a, où il y a de l'eau. Oui, alors il lui a dit, barra. Dehors. Et puis moi je la regardais parce que ma mère est très, c'est une femme très forte, elle était jeune et belle. Et Bittelma, les toilettes, et silence, puis il fait barra. Dehors, ouais, alors on a tous compris que c'était un truc commun. Et là il était content, il y avait une ampoule. Ouais, il y avait une ampoule, il a tout de suite allumé, là, qui pendait avec le truc qu'on met pour attraper les mouches. Et puis elle regardait, elle réfléchissait encore. Moi je dis, pourvu qu'elle. Elle dit, on repart. Je dis, ben oui, j'avais 10 ans, je voulais pas rester. Je dis, pourvu que ma mère dit, oh non, on reste pas, moi, on repart. Et alors elle est allée vers le truc qui faisait chambre. Il y avait 3 lits superposés d'un côté, 3 lits superposés de l'autre. C'était nous pour les enfants. Elle a regardé, puis elle s'est assise au bord du lit. Elle a posé les 2 sacs et elle a dit, je vais enlever mes chaussures. Là, j'ai compris qu'on restait jusqu'à maintenant, aujourd'hui. On est arrivé à Paris, Orly, c'était la nuit. Je sais pas, il devait être 9h du soir. Et il y avait personne et pour nous attendre, rien. Il n'y avait pas d'accueil, je ne sais pas quoi, de rien du tout. On est arrivé comme des touristes. Avec des valises, vous voyez, c'est un truc de fou, c'est assez réaliste comme histoire, quoi. C'est un paravion, quoi. Bon. Vous allez où ? Chez mon oncle, il avait acheté une toute petite maison à Montreuil. Et là, on s'est retrouvés, 3-4 familles à Montreuil, on était 30 ou 40. On a vécu là pendant 3-4 mois. Et ensuite, mon père, grâce à un ami qu'il avait connu pendant la résistance, la guerre, tout ça, il a eu une espèce de garage qui était dans le 16e. Rue de Livette, près du métro Jasmin. Alors là, c'est cocasse parce que je me retrouve donc en octobre 62, métro Jasmin, lycée Jean-Sonseil, pendant plusieurs années, avec des enfants de la très grande bourgeoisie parisienne. Et donc là, ça a été une entreprise très dure pour moi parce que j'étais obligé de dissimuler mon origine sociale et pas seulement ethnique. 19 mars 62. Inter, actualité. Au micro, Jacqueline Baudrier. Depuis midi, l'ordre de cesser le feu a donc été donné aux forces armées en Algérie. En Algérie, où on ne signale pas d'incident grave, où les Européens des grandes villes font grève sur consigne de l'OAS, en Algérie où M. Morin, le délégué général, s'est adressé aujourd'hui aux différentes communautés. Nos correspondants, nos envoyés spéciaux, vont dans quelques instants nous permettre de suivre l'évolution de cette situation à propos de laquelle on se pose tant de questions, et d'abord celle-ci, que va-t-il se passer maintenant en Algérie ? Le 19 mars, j'ai été arrêté par le FLN. On m'a gardé quelques jours, puis le chef régional du coin dit « Oui, mais on sait que ce que tu as fait, tu n'as pas à douter de quoi que ce soit, il n'y a personne qui viendra t'embêter, je suis là, s'il y a quelque chose, qu'on m'appelle ou tu m'envoies quelqu'un. » Tout confiant, et je me suis remis à travailler dans mon commerce. Mais malheureusement, au mois de juillet, patatrac, j'ai été arrêté une deuxième fois. Quand j'ai été arrêté, on m'a amené dans un autre coin. Donc là, j'en porte encore des traces. 17 cicatrices sur l'ensemble du corps. Après, on m'a envoyé à la frontière algéro-tunisienne, hein, dans un camp. Ma mère a réussi à me faire évader de ce poste-là avec l'aide d'un officier de l'armée algérienne, hein, donc, qui venait de Tunisie, qui m'a fait des faux papiers. Et je suis rentré en métropole en novembre 62. Donc là, je me suis présenté effectivement, et on m'a laissé le choix de ou soit d'aller rester dans l'armée, soit aller dans la police. J'ai dit, écoutez, la tenue, ce n'est pas pour moi. Moi, ce que je cherche, c'est du travail. Je me suis installé là où je suis actuellement pour 6 mois. Et ça fait bientôt 58 ans que je suis au même endroit. Voilà mon parcours de harki. Je le maintiens. Oui, j'ai été harki. Oui, j'ai porté la tenue. Mais je n'ai tabassé personne, je n'ai tué personne, je n'ai pas participé à des opérations ou quoi que ce soit. C'est le FLN qui, du début jusqu'à la fin, a fait détruire beaucoup de familles qui n'avaient rien, rien contre eux, mais seulement... pour s'accaparer des biens, c'était le seul but de ma torture et de mon internement. C'était pas autre chose. Vous êtes arrivé en France après la guerre. Vous la ressentiez quand même en France, à travers le regard des autres, justement. Oui, on y pensait parce que moi j'y pensais, oui. Ah oui, moi je faisais attention, je me sentais dévisagé, je me sentais guetté, je faisais très très attention, et je pense que nos parents aussi, hein. Nos parents aussi faisaient attention, parce qu'on savait qu'il y avait des gens qui n'avaient pas apprécié cette révolution algérienne, et on faisait très attention. Oui, on se montrait pas. Pendant quand j'étais à l'école, quand j'étais au collège après, j'avais toujours des copains qui me disaient, toi t'es un enfant des allocs, c'est-à-dire ma maman, mon papa, ils m'ont fait pour les allocations familiales. Ça, c'est déchirant, mais il faut pas le montrer. Maintenant, ça me blessait, mais je continue à avoir des copains, je jouais avec eux. J'étais le seul arabe de la classe. Quand j'étais au collège, pendant 4 ans, j'étais le seul arabe de la gamin, entre 14 et 17 ans et demi. Crouibé, tout ça, c'était... Il y en a qui étaient méchants, mais des vrais méchants. Bah, à l'époque, on n'aimait pas les pieds noirs, on n'aimait pas l'accent arabe, on n'aimait pas les immigrés, on n'aimait pas les étrangers. Bah, il faut dire la vérité, quoi. Bon, dans tout ce qui est différent, c'était pas bon, quoi. Hein. C'était l'accent, en fait, hein, le problème de l'accent. Donc il fallait absolument gommer l'accent. C'est parce que c'était le repérage, il se faisait de cette manière-là. Hein. Il se faisait pas... À la limite, il se faisait moins en face. Maintenant que j'en parle comme ça... Il se faisait plus par l'accent que par le faciès. Parce que le faciès, on savait pas trop, on disait lui d'où il vient, de l'Espagne, de l'Algérie, de la Kabylie, de je sais pas quoi, de l'Italie, j'en sais rien. Mais si le mec ou la femme se met à parler, on dit ah, voilà. Mon histoire, c'est un long cheminement. Eliette Paris. Pour essayer de comprendre pourquoi un jour je me suis retrouvée à Marseille et qu'on m'a traité de sale pied noir. Voilà. J'avais 18 ans, je me suis inscrite à la Sorbonne, en toute innocence, parce que là, je n'avais pas encore compris vraiment ce qui m'attendait. J'ai dit que je venais d'Algérie, que je venais d'une famille de colons, dans la Mitidja, j'ai dit mon histoire. Alors, la Sorbonne était très politisée avec l'UNEF, donc pro-indépendance, pro-FLN, etc. Et là, je me suis fait traiter de sale pied noir, de sale capitaliste, de colonialiste, d'OS, parce qu'on était tout à la fois. Hein. En Algérie, on s'appelait les Européens d'Algérie. Pourquoi les Européens ? Parce que c'était une migration qui venait de toute l'Europe. Les pouvoirs publics français à l'époque ont essayé de peupler au maximum la terre algérienne. et ils ont recruté dans toute l'Europe, et pas uniquement en France. C'est pour ça qu'on s'appelait les Européens. En fait, ça serait les Algériens qui nous auraient appelés les Pieds Noirs, mais je n'ai jamais entendu ce terme de la part d'un Algérien. En arrivant en France, eh bien, j'ai découvert que j'étais une Pied Noire. Je ne connaissais pas le terme. Et je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Il y a toutes sortes d'explications qui sont données qui ne me satisfont pas du tout. Par exemple, pied noir, parce que l'armée française, quand elle a débarqué en 1830, avait des gros godillots, et qu'en Algérie, les gens marchaient plutôt avec des babouches ou des sandales, et qu'ils étaient très étonnés de voir ces gros godillots. Il y a eu d'autres explications. On aurait importé la vigne. Alors les ceps de vigne, c'était des pieds noirs. C'était du racisme. Je crois que j'ai compris ce qu'était le racisme en arrivant en France, parce que je l'ai vécu. Je n'étais pas française à part entière. Voilà. J'étais une race à part. Le vrai traumatisme, c'est de vivre en France pour moi. Il aurait jamais fallu partir d'Algérie ? Ah si, justement que si. Il fallait partir de l'Algérie. Marie-France Fouché. Évidemment, on dit non, on n'aurait pas fallu rester en Algérie. Non pas parce que c'est leur pays, c'est pas leur pays, hein, et pas plus leur pays que le nôtre d'ailleurs, que n'importe quelle terre d'ailleurs n'est à personne finalement. C'est une terre que chacun, où les gens se sont installés et ont fait quelque chose, ont construit. Mais voilà, on va dire c'est la France, c'est l'Algérie, c'est... Et l'intérêt, c'est de construire, hein, c'est de faire quelque chose de bien, de beau. Mais je pense quand même que c'était pas possible de rester en Algérie dans tout ce qui s'était passé comme guerre d'Algérie. C'était horrible, mais horrible. Il valait mieux qu'effectivement, puisqu'ils avaient envie de vivre dans ce pays et se débrouiller seuls, les laisser seuls et se débrouiller, en sachant que c'était une minorité. Et c'est ça qui est dommage, quoi. Ça aurait été une majorité, ça aurait été autrement quand même. Moi, évidemment, quand je repense à cette situation, dans l'immédiat, c'est vrai que j'ai pensé ça aussi. Je me suis dit, en fait, les Arabes, on leur a pas donné la même identité que les Français. Mais je pense que ça aurait pu évoluer. Je pense pas que ça serait resté comme ça. Les Français et les Arabes vivaient en bonne intelligence. En rentrant d'Algérie, c'était bien de dire « Non, non, non, mais c'est le colonialisme, et puis il valait mieux que les Arabes et leur pays, c'était leur pays. » Voilà, moi, j'ai pas tout à fait la même idée. Moi, je dis que c'est vrai qu'ils ont été colonisés, mais ils étaient très, très peu. Ils n'étaient pas constitués en nation, ils n'étaient pas constitués c'était pas un pays, c'était des gens qui n'étaient pas avec des villes, enfin tout ça. Tout ça a été construit par la France. Le fait qu'il y ait des villes, qu'il y ait des dispensaires, qu'il y ait des écoles, qu'il y ait tout ça. Il n'y avait rien de tout ça. C'était un département français. Quelques mois plus tard, dans un couloir de la Sorbonne, je croise une amie du lycée de la Croix. Donc on tombe dans les bras l'une de l'autre et on échange. Et elle avait la même impression que moi. Et elle me dit « je me tire en Australie ». Voilà. Elle m'a donné l'idée de partir. Et comme je voulais faire des études d'allemand, je suis allée au consulat d'Allemagne à Paris, et j'ai dit « je veux une bourse pour étudier en Allemagne ». Et je l'ai eue séance tenante, très facilement. Donc en fait, j'ai passé un an dans cette université allemande, et ça a été un sas pour moi, très favorable. Et après, il fallait que je retourne à Paris terminer mes études à la Sorbonne. Donc je suis revenue à la Sorbonne, et je me suis créée une nouvelle identité. C'est-à-dire que j'ai dit que j'étais née à Aix-en-Provence, que ma mère était femme de ménage et mon père facteur, et donc j'étais politiquement correcte. Et j'ai terminé mes études tranquilles. J'ai gardé cette fausse identité pendant très longtemps, même après mes études. J'avais beaucoup de difficultés et j'ai encore quelques difficultés à dire que je suis pied noir. Moi, je suis rentré aux jeunesses communistes. C'est-à-dire qu'à 14 ans, je suis devenu un jeune militant communiste. C'est ça qui aussi a changé ma vie, parce qu'il y avait la guerre du Vietnam, donc je parle de 1965, c'était très important. Les émeutes aux États-Unis, la guerre du Vietnam surtout, fait qu'il y a l'éveil à la conscience politique. C'est-à-dire en France, je m'intègre par le biais de la conscience politique. Avant 68, pas simplement en 68. Hein. Et donc, il y a aussi la culture ouvrière. C'est-à-dire que l'intégration se fait par la culture ouvrière. C'est-à-dire qu'on rentre à travers les jeunesses communistes, je parle des années 65-67, par une intégration dans une famille historique politique qui a une mémoire politique. Le Front populaire, la résistance, l'anticolonialisme. Alors là, je découvre d'ailleurs ce qu'est le colonialisme, que moi j'avais vécu enfant, mais sans soupçonner l'importance de la chose. Et là, c'est par l'apprentissage politique et pas par l'école. C'est grâce à ça, par cette culture ouvrière, que j'ai découvert la France. Voilà donc, à la rentrée, au lycée Marcelin Berthelot. Nicole François. Très bien reçu. D'ailleurs, le proviseur nous avait reçu, nous, les jeunes qui venaient d'Algérie, nous avait dit, bon, il avait été sympa et tout. Moi, je commençais à m'intégrer tout de suite. Hein. Et mes parents trouvent, malheureusement pour nous, les enfants, un appartement vide, mais à l'autre bout, c'est-à-dire à Fresnes, entre Fresnes et l'Île-et-Rose. Et pof, me voilà dans un autre lycée, qui est le lycée Marie Curie à Sceaux. Et je me retrouve dans la cour de récréation en me demandant ce que je faisais là. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui me tape dans le dos et qui me dit « Toi, tu viens de là-bas ». C'était Marie-France, qui restera une amie, et qui était pied noir. Et puis on en voit une autre qui erre dans la cour et on lui tape dans le dos et on lui dit « Toi, tu viens de là-bas ». Et c'était Françoise. Et donc le trio, on est restés accrochés les unes aux autres. Hein. Et pendant tout le temps des récréations et tout le temps des interclasses, on se racontait l'Algérie, on se racontait les événements qui se passaient. Je pense qu'on avait besoin. Et on comparait. Hein. « Ah oui, toi aussi, tu t'es retrouvée dans la salle de bain quand ça allait mal ?» Ben oui, parce que c'est la seule pièce qui ne donne pas sur l'extérieur, il n'y a pas de fenêtre. Hein. Alors bon, on comparait nos souvenirs, on riait souvent parce qu'on racontait des choses amusantes finalement. Et puis on était en Algérie. Et puis on a travaillé toutes les trois, mais il y en a une qui était meilleure en maths, qui aidait les autres, etc. Moi j'ai travaillé sans arrêt et je ne me suis pas aperçue. En fait, le succès était là, c'est-à-dire on a eu le brevet, on est passé en seconde, après on est passé en première et puis on a eu le bac. Hein. Je m'en suis aperçue bien plus tard, que l'Algérie, eh ben, c'était quelque chose qui avait disparu de ma mémoire. C'est incroyable, mais vrai. J'avais dû, pour m'adapter, mettre tous mes efforts dans ma vie, hein, dans la vie présente, actuelle, et j'ai nivelé, mais complètement, tous les souvenirs d'Algérie. Et en fait, je crois aussi que je les ai rejetés, parce que je m'étais aperçue de façon intuitive, hein, parce que moi, je sentais les choses beaucoup, hein, que les gens, ça ne les intéressait pas. Que notre histoire, il valait mieux se taire parce qu'eux, ils étaient passés à autre chose. Et puis l'Algérie, c'était un mauvais souvenir hein, dans l'histoire de la France. En tous les cas, dans l'histoire des gens qui étaient en face de moi, ils ne voulaient pas en entendre parler. Ça se sent tout de suite. Et donc, pour pouvoir entrer dans cette société, je l'ai complètement oublié, moi, en tous les cas. Oh, on était mais partis dans un autre univers. Alors évidemment, la nostalgie, elle y était, hein. La nostalgie, la mélancolie, il y avait tout là-dedans. Il y avait... Mais personne ne disait qu'on allait y retourner. Hein. C'était fini. Fini. Et là-bas, on laissait, la vie. Une vie qui a été construite depuis, pour nous, 1870, pour certains autres, 1830. Hein. Pour nous, 1870, où on laissait bien évidemment les maisons, la maison de Bosquet au village, la maison de la mer qui est sur pilotis avec une vue sur la mer à 180 degrés, les dunes, la plage, une vie simple mais tellement agréable, tellement. L'église où on se retrouvait aussi, le cimetière, Moi, évidemment, c'était, voilà, j'avais moins cette sensation, mais pour ma grand-mère, laisser les tombes au cimetière, c'était terrible, terrible. Mon village, oui, je t'aime. Au clocher, aux maisons et sages. Et je te donne ce poème. Où les enfants de mon âge, je les aime. Ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, village. Et je te donne ce poème, aux maisons sages. Oui, je t'aime, mon âge. Dans la joie ou la douleur. Mais en Algérie, je ne suis jamais revenu. Par contre, j'ai mon fils, le plus âgé, qui va avoir 60 ans, qui lui est retourné dans les années 80, après le service militaire, il est retourné en Algérie. Et il a été gardé dans un commissariat pendant un certain temps. Et après, on l'a réexpédié en France, et qui en garde des séquelles de ce traumatisme. Il n'a pas été tabassé, il n'a pas été... Mais il n'a pas compris pourquoi. Et pourtant, je l'avais prévenu avant qu'il parte. On en avait discuté. Mais il voulait aller sur la terre natale de ses parents. Et malheureusement, ça s'est très mal passé pour lui. Harki était synonyme de traître. Et aussi bien pour les Français que pour les Algériens. Parce que, je vous dis, il y avait une censure... à l'époque où il ne fallait pas parler des harkis. Actuellement, en Algérie, les officiels algériens s'insultent avec le mot harki. Bon, fils de harki, pourquoi reprocher à mon fils ou à mon petit-fils ce que j'ai fait, en bien ou en mal ? La guerre d'Algérie, elle est partout, dans toutes les familles. Que ce soit des familles maghrébines, il y a toujours le grand-père qui raconte, voilà. Que ça soit dans des familles françaises, gauloises, parce qu'il y a un appelé qui est allé faire la guerre d'Algérie, que ça soit dans les familles pieds-noirs, dans les familles juives. C'est-à-dire que dans toutes les familles, il y a une mémoire de la guerre d'Algérie, mais une mémoire qui est tue. On n'en parle pas, ou on laisse passer quelques clichés comme ça. Pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi on n'en parle pas ? Il y a un silence qui est... Mais il faut dire que le système politique a mis le couvercle aussi. Hein. Comme si chacun avait une souffrance, chacun, là où il est, dans son histoire, à travers cette Algérie, avait une souffrance et qu'il ne veut pas la transmettre à l'autre. On avait commencé à se raconter avec mes amis dans la cour de récréation du lycée Marie Curie. Mais c'est surtout parce que la société n'était pas prête à nous recevoir, à nous entendre. On sentait qu'on n'avait pas le droit, la permission de le dire. Personne ne nous a posé aucune question et que voilà. Et puis moi, je n'ai pas vécu dans un milieu pied-noir. Je sais que ça doit être tout à fait différent dans des familles pieds-noirs qui... sont venus en groupe, qui sont restés ensemble, qui en ont beaucoup reparlé, qui peut-être que la mémoire, là, la transmission s'est faite beaucoup mieux. Hein. Mais moi, je n'étais pas du tout dans ce milieu-là. Donc, je pense que ça, voilà, ça a accentué. Alors, au fond, vous êtes pieds noirs ou pas ? Bonne question. Ben, je ne sais pas. Ça dépend du regard des autres, hein, parce qu'on est finalement dans le regard des autres. Hein. Est-ce que c'est l'identité ? Finalement, l'identité, elle est multiple. Elle est ce qu'on vit tout le temps. Enfin, on la change tout le temps avec ce qu'on vit. Et moi, je trouve que les identités comme ça, fixées, définitives, me font peur. Parce que c'est ça qui crée souvent l'agressivité, hein, le rejet. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire pied noir dans le regard des gens. Je sais que j'ai des amis pieds noirs qui me disent « Ben non, t'es pas pied noir parce que tu ne viens pas d'une famille qui a vécu des générations en Algérie. » C'est vrai. Mais moi, j'y suis née. C'est vrai aussi. Alors, est-ce que c'est important ? Je crois que ce n'est pas très important, finalement. Et puis, je n'aime pas trop les communautés. Je trouve que c'est quelque chose qui ferme. Et aujourd'hui encore, on parle de gens issus de l'immigration. On n'en parle pas de la même façon quand il s'agit d'Italiens, de Portugais, d'Espagnols qui sont arrivés. Bon, c'est-à-dire qu'on est d'ici, puis... Non, il n'y a plus d'issue de l'immigration. Hein. On est issu de Nanterre, on est issu de Paris, on est issu de... Bah oui, puisqu'on va tous mourir en banlieue et pas mourir en exil. Il faut aller au bout de l'exil, c'est ce que j'ai décidé de faire. Après avoir, avec une certaine prétention, ouvert la porte aux autres, avec mon premier livre, et maintenant je veux leur montrer aussi que il ne faut plus parler d'intégration, de toute façon, comment on ne peut pas plus, mieux intégrer que d'être sous pied sous terre. Ben, je ne serai pas en terre en Algérie, quoi. Et puis, pourquoi je n'arrête pas de dire que je serai en terre en France? Je n'arrête pas de le dire. Je peux toujours juste dire que ça sera en banlieue. Ça a peut-être toujours été mon pays, quoi, finalement. Où il y a les gens que j'aime, où j'ai fait... Bon, écoutez, je vous laisse aller. Pas me faire pleurer, on va y aller, ça vient, non? Ce qui rend homogène, c'est assez classique, c'est l'exil. Hein. C'est dans l'exil qu'on est obligé de se regrouper. D'abord, dans l'exil, il y a une forme qui existe, c'est la dispersion. Les familles se dispersent. Les familles vivaient entre elles, elles n'avaient pas besoin de savoir qui elles étaient, elles se vivaient toutes entre elles. Les portes étaient ouvertes, les enfants allaient chez les uns les autres, et etc. Et quand on arrive en exil, comme c'est le cas après 62, mais c'est pas propre à... C'est la vie, c'est comme ça. Il y a un éclatement, une dispersion, une solitude, et on a besoin de s'identifier à des formules qui homogénéisent. On appartient à tel groupe, on appartient à telle communauté. Ouais, pourquoi ? On appartient à des histoires, on raconte des histoires, parce qu'on est tout seul, parce qu'on est dispersé, parce qu'on est éclaté, parce qu'on a besoin de se raccrocher, on a besoin de fabriquer des mythes, de construire des mythes de communauté, en fait, qui sont très souvent imaginaires, hein. Mais on a besoin de ça, parce que c'est confortable. Ça veut dire qu'on appartient à ce monde qui est à Nice, à Strasbourg, à je ne sais pas quoi, etc., qui permet de soulager sa solitude. Parce que c'est cette espèce de création mythologisée de la communauté, ça soulage de la solitude quelque part. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, de mon âge pour partager mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. J'ai connu des paysages. C'était Algérie, les ineffables mémoires, celle des déplacés et des rapatriés. Avec Eliette Paris, Marie-France Fouché, Benjamin Stora, Nicole François, Messaoud Guerfi et Mehdi Charef. Algérie, les ineffables mémoires, Archivina, Hervé Evano, prise de son, Dofar Guéride et Jean-Louis Deloncle, mixage, Bernard Laniel, réalisation, Somanina, coordination, Marivonne Bolivier et Perrine Kervran, un documentaire d'Alain Lefkovitch, assisté d'Hélène Fabrini pour la série documentaire. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oh.